Les joueurs coréens qui avaient participé au 49e championnat mondial de tir des armées ont regagné le 24 courant la patrie par avion. Park Yong-hee, Kim Yong-bok et Yang So-ri ont établi un nouveau record à l'épreuve par équipe féminine de tir au skeet à la fosse et se sont classées premières. Kim Hyun-woo a reçu la médaille de bronze à l'épreuve individuelle masculine de tir au revolver à 25 mètres.